la jama baoun. O ba mwen manje non pa manje. Quand a bouja ton a ma pe se kli ma pe ou se la dan. O manje la jama baoun. O ba mwen manje non pa manje. Quand a bouja ton a ma pe se kli ma pe ou se la dan. Kason kalma se place. Fon pa trove me manje. Moj fon mal ekile. Se sa yap manje cheche. Kason ka pete panse. Pou yo jwen yon debouche. Pou yo al manje louange. Pou yal kon mene pale. Pou yo al manje louange. Pou yal kon mene pale. O manje la jama baoun. O ba mwen manje non pa manje. Kanda bouja ton a ma pe se kli. Ma pe ou se la dan. O manje la jama baoun. O ba mwen manje non pa manje. Kanda bouja ton a ma pe se kli. Ma pe ou se la dan. Quand a bougé ton a ma bicycle, ma pe ou se la dan. O manje la jama baoun. O ba mwen manje non pa manje. Quand a bougé ton a ma bicycle, ma pe ou se la dan. De trois jours yal kay gangan. Yal ramasse pri kankan. Pou yo mette nan manje ou. Yo disse pou yo chave ou. 4-5 jours son van fe mal. Comme yo menon l'hôpital. Yo di ka ou desespere. Wapè mou vivant en flé. Yo di ka ou desespere. Wapè mou vivant en flé. O manje la jama baoun. O ba mwen manje non pa manje. Quand a bougé ton a ma bicycle, ma pe ou se la dan. O manje la jama baoun. O ba mwen manje non pa manje. Quand a bougé ton a ma bicycle, ma pe ou se la dan. Quand a bougé ton homme a baissé, ma poussée la dent.